à la maisonnette. Tous les jours la fumée, n'appelle pas les pompiers. Tu me fais penser à notre PD. Et celui de la télé, soit que prêt à le donner. Et loin t'as dos à 5 mètres. Oh, hey. J't'ai vu dans le secteur te faire bouler par 5 mecs. A jamais qu'il eut. J'colle quand j'vois comme il suce la sec. J'suis dans la Punto. J'arrache la route, j'suis sur la A7. Oh, y'a que des falas dans mon assiette. Hey, j'suis sur l'île, j'vais faire la sieste. Et le nez fou nana. Et les nina fait néné. Pour le tama nounou. Pour le foot les léquer. Hey, la gola, je vais mogo. Oh, le terre est flex, on l'appelle Bobo. Tu peux voir mon liaison comme Kadhafi, on fait les choses comme on le sent et ça leur déplaît. J'ai pas désolé pour l'arrogance, elle pète assez la redevance. On s'en tape de savoir si ça te plaît. Hey, je te coupe la parole bien droite. Hey, comme si je coupais une glaire. Hey, on te sent pas comme l'odeur bizarre. Hey, qui s'émane de ton père. Hey, on te sent pas comme ton père. On te tape pas comme son père. Nous on le fait mieux que son père. Nous on la baisse mieux que son père. On te sent pas comme ton père. On te tape pas comme son père. J'ai un peu forcé sur le sirop. Tu vois pas tes miro. Et misogyne maintenant c'est cool. Ah mais pourquoi tu me saoules. Je des ramène dans un bol. Ou faire crari dans un rover. Ou capri sur un roster. J'assume toute la scène. Lions en masterclass. Usine on va pas à Paris. T'es Qatari et moi Atari. C'est sorti du garage. Ça fuit si tu t'arraches. J'ai un maxi calage entre l'achat de sa pute. Ni accès dans son palace. Toujours au secteur. Peux pas la mouille, prends-en qu'à ta tête. Autant de flots que le canadaire. On parle, toi tu chipotes. Ton équipe de chipotel. On a pas fait si bornes. Tu suces comme un cyborg. Et j'envoie 10 cônes d'herbe. Tu peux voir mon liaison comme Kadhafi, on fait les choses comme on le sent et ça leur déplaît. J'ai pas désolé pour l'arrogance, elle pète assez la redevance. On s'en tape de savoir si ça te plaît. Hey, je te coupe la parole bien droite. Hey, comme si je coupais une blaire. Hey, on te sent pas comme l'odeur bizarre. Hey, qui s'émane de ton père. Hey, on te sent pas comme ton père. On te tape pas comme son père. Nous on le fait mieux que son père. Nous on la baisse mieux que son père. On te sent pas comme ton père. On te tape pas comme son père. Nous on le fait mieux que son père. Nous on la baisse mieux que son père. On te sent pas comme ton père. On te tape pas comme son père. Nous on le fait mieux que son père. Nous on la baisse mieux que son père. On te sent pas comme ton père. On te tape pas comme son père. Nous on le fait mieux que son père. Nous on la baisse mieux que son père.